Que des regards froids. Que des regards froids, je vois peu de joie sur les lèvres et je me demande plus pourquoi. Je me sens si seul une fois que l'intime délaisse. J'ai peut-être besoin d'un signe céleste. De la vie, je suis cet élève qui porte le bonnet d'âne tant que la justice s'élève. Mais c'est ce que pensent les insoumis que je révèle. Je rêve de stopper ces insomnies. Tous les matins, je maudis le réveil. Et je ferai partie de ceux qui se rebellent. Je veux pas te regretter car je sais qu'on m'a menti quand on m'a dit que la vie serait belle. Ouais, je guette la misère, j'essaie mais je m'y fais pas. On arrive même à rire des drames, sauf quand le point de vue change d'hémisphère. C'est grave, mon frère. Pire, c'est crade et navrant. Il suffit pas de le dire, faut briser les cadenas pour aller de l'avant. Trouver l'avantage et pas stagner dans cet état lamentable. Mis de côté si t'es pas rentable, j'en deviens malade mental. Tu veux que je te vende du rêve, mais je suis pas marchand de sable. Combien, malgré le moral de plomb, finissent une balle dans le crâne. Et ça pardonne pas, ils me jugeront même coupable d'en parler. Je mens pas, et c'est ton attention que j'essaie de m'emparer. Je manque d'espoir, de souffler d'idées, afin de rétablir l'équité. Je sais que c'est prémédité, je veux pas me laisser guider. Tout déguisé, je le sais donc reste avisé. Un jour viendra, la vérité parlera d'elle-même comme aguisé. Ça comate, y'a de la disette, et pas si loin de chez toi. Pendant que ça surfe sur des vagues de terreur, devant les 5 étoiles, ce monde est flingué. Demande à tous les cinglés que je croise, à croire que la seule voie c'est de finir au cimetière blindé. Il en faut peu pour se faire épingler. Tu veux sortir des clous, prêt à ressentir les coups pour pas se faire tringler. Ça paraît simple, hein, mais bon, je crois pas que ça le soit. Que des sales histoires ici, et moi je ressasse ça le soir. Et je ferai pas de croix sur ce qu'on nous vole, ma sérénité, et qu'on nous laisse pas croire en ce que nous sommes. Tout ça me désole, j'ai pas de méthode pour contrer ça. Chacun sa contrée, faut que tu me pardonnes si ce que je te compte est sale. Pas question qu'on s'efface, ma pensée je peine à l'écrire. C'est trop facile de dire que je veux que les contrées passent. Et trop disent le contraire, je te jure, les prolos sont perdus. Là-haut les gros business, c'est pognon contraire pur. Alerte aux particules, du coup c'est toi qui rack. Toujours pareil, tu trouves normal que les ricains squattent l'Irak. Je ferai pas de miracle, même si parfois j'entrevois le mirage. Car je sais que je suis pas le messie. J'ai rien d'admirable, mais bon, je fais ce rap minable. J'aimerais que ça serve, donc je reste acerbe. Est-ce que t'as cerné ce qui fait que mes faces divaguent? Je m'en branle de vos divas, autant que de que d'Ival. C'est tous les autres pitres. S'il y a trop longtemps qu'on se plante pour moins de 10 balles, des paradis fiscaux se dévoilent, et toi tu le découvres. Essaye de voir où l'argent se cache. Crois pas que tu trimes pour les pauvres. Tu sais que le gâteau se partage pas. Toi qui ramasses les miettes, allez, dis-moi que ça te parle. Dis-moi que je partirai pas déçu. Que t'as pigé, que je rappe pour celles et ceux qui, comme moi, cherchent mais savent qu'il n'y a pas d'issue. Dissimulé, leur vie se fait tant de déchets. Je te parle de vie humaine à qui personne veut tendre l'échelle. Pendant que les autres courent pléchine, ont peur de l'échec. Les lobbies se frottent les mains et changent leur conscience pour des chèques. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. La haine n'est jamais gratuite. Qu'est-ce que tu veux, c'est rentable. La soupe est bonne et tout le monde passe à table. La rue, ce qui change, y'a que les saisons. Au stylo, la vie subit une prise de tension. La haine n'est jamais gratuite. Qu'est-ce que tu veux, c'est rentable. La soupe est bonne et tout le monde passe à table. La rue, ce qui change, y'a que les saisons. Au stylo, la vie subit une prise de tension. Que des regards froids. Un peu de joie sur les lèvres. Que des regards froids. Que des regards froids. Un peu de joie sur les lèvres.